Bien, nous allons aujourd'hui donc commencer l'étude de l'évangile de Matthieu dans la perspective hébraïque que nous avons dit. La dernière fois, nous avons fait une introduction générale à l'évangile de Matthieu et nous avons placé le problème justement dans sa perspective hébraïque. Nous allons prendre le premier texte qui est ce qu'on appelle l'évangile de l'enfance, que l'on trouve dans les deux premiers chapitres de l'évangile de Matthieu. Il est à noter que, avec Luc, ça va ? Oui, vas-y, je. Il est à noter qu'avec Luc, Matthieu est le seul des évangélistes à nous donner justement les récits de l'enfance de Jésus. Et ça entre dans la perspective de Matthieu, comme nous allons le voir, c'est quelque chose de très important. Maintenant, cet évangile de l'enfance, il est bâti d'une manière totalement hébraïque, selon un procédé d'exégèse que l'on appelle le pécher. Pécher, ça veut dire littéralement l'explication. On trouve ce genre littéraire, notamment à Qumran. Il est très très répandu. Et on a des pécharim, c'est-à-dire des commentaires, des explications, commentaires aussi on peut dire, des commentaires d'un certain nombre de livres prophétiques de la Genèse, par exemple, de Nahum, du prophète Nahum, du prophète Habakkuk, plusieurs petits prophètes ont été la base d'un pécher de la part justement des Esséniens de Qumran. Qu'est-ce que c'est qu'un pécher ? C'est un commentaire verset par verset d'un certain nombre de textes bibliques, prophétiques en général, que l'on cherche à actualiser. Et on voit dans les événements actuels un accomplissement de ce qui avait été annoncé par les prophètes. Et nous retrouvons exactement ce style, ce genre littéraire, dans les deux premiers chapitres de l'évangile de l'enfance. Et il y a sept péricopes que l'on trouve dans ces évangiles de l'enfance et qui sont centrés sur des versets des prophètes. Et donc, les événements de la vie de l'enfance de Jésus nous sont rapportés par l'évangéliste Matthieu. Et chacun de ces événements se termine de la manière suivante. Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé dans tel et tel prophète, et le texte prophétique est alors cité, est alors évoqué. Et ça, c'est le premier procédé. Il y a un deuxième genre littéraire qu'on trouve aussi dans ces deux premiers chapitres de l'évangile de Luc, c'est le Midrash. Le Midrash, c'est une technique de lecture, de l'écriture, qui, comme son nom l'indique, l'idrosh en hébreu, ça veut dire creuser, sonder, éprouver. Et donc, c'est descendre en dessous de la surface du texte pour en faire sortir toutes les différentes richesses et toutes les différentes facettes. Et le Midrash, non seulement évoque un certain nombre de réalités, mais surtout il les suggère. Et le Midrash est un genre littéraire qui s'adresse à la sagacité du lecteur et qui consiste à lui faire comprendre un certain nombre, on pourrait dire en musique, des harmoniques. Le texte, donc le pshat, ça veut dire le sens littéral, est commenté par le procédé du pécheur, qu'on l'a vu il y a un instant, et puis il y a un certain nombre d'harmoniques, c'est-à-dire on veut suggérer un certain nombre de choses. Et nous allons voir effectivement que c'est une des raisons pour lesquelles Matthieu, à l'encontre de Marc et de Jean par exemple, accordera une grande importance à l'enfance de Jésus et aux événements qui ont marqué la naissance de Jésus. L'évangile de Matthieu commence par, donc je veux dire, les six péricopes qui sont évoqués dans ces deux textes. La première, c'est la généalogie, chapitre 1, verset 1 à 12. Ensuite, toujours dans le chapitre 1, verset 12 à 34, on a un premier songe de Joseph. Ensuite, chapitre 2, verset 1 à 13, l'événement central de cet évangile de l'enfance, qui est la visite des mages, et on verra pourquoi. Quatrième, le massacre des innocents, chapitre 2, verset 13 à 18. Et ensuite, cinquièmement, la fuite en Égypte, et sixièmement, le retour de l'Égypte. Et chacun de ces incidents de la vie de Jésus, de l'enfance de Jésus, sont illustrés par une prophétie biblique que les événements en question réalisent et accomplissent selon ce que nous dit l'évangéliste Matthieu. Première péricope, donc, la généalogie. Les généalogies sont souvent quelque chose de très important dans la Bible. Et les grands personnages, notamment, sont des gens auxquels, dans la biographie, dans la Bible, commence souvent justement par une généalogie. Et il était normal que dans une perspective hébraïque, Jésus, dont l'importance évidemment n'est pas à souligner pour Matthieu, il fallait que sa biographie commence par une généalogie. On a remarqué que cette généalogie, elle est différente de celle que l'on trouve chez Luc. Pendant tout un temps, les deux généalogies se recoupent, bien que la généalogie de Matthieu commence par Abraham, tandis que celle de Luc commence, elle remonte à l'envers, ça veut dire on remonte chez Luc depuis Joseph jusqu'à Adam. Et là, il y a des divergences. Il y a des divergences entre les deux généalogies. Cela, bien sûr, a posé de nombreux problèmes aux commentateurs. Et pendant tout un temps, on a cru que ces généalogies étaient finalement l'une, la généalogie de Joseph, celle de Matthieu, tandis que Luc nous rapportait la généalogie de Marie. Cette hypothèse n'est plus guère tenue aujourd'hui par quelques commentateurs, mais elle a pratiquement été abandonnée par tous les exégètes sérieux, ne serait-ce que parce que s'il est vrai que Joseph était de la maison de David, Marie ne l'était pas. Marie était cousine d'Élisabeth, laquelle était fille d'Aaron, donc descendante de la tribu de Lévi. Et il est probable que Marie elle-même était aussi descendante de la tribu de Lévi. D'autre part, Nazareth, on le sait depuis quelques années maintenant, était une ville dans laquelle il y avait des prêtres. Et l'on a découvert, datant du IVe siècle de notre ère, dans les fouilles qui ont été faites à Césarée Maritime ces dernières années, on a redécouvert une stèle dans laquelle étaient mentionnées les principales villes où se trouvaient des prêtres depuis finalement le début du retour de l'exil, et Nazareth, petite bourgade sans importance, est citée parmi ces villes dans lesquelles il y avait une communauté de prêtres. Donc il est fort probable que Marie ait été elle-même d'une lignée sacerdotale. Ce qui est tout à fait intéressant parce que Jésus, on le sait, combine dans sa vocation de Messie, d'une part le fait d'être un Messie davidique, un Messie royal, mais aussi, comme nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, un Messie sacerdotal. Donc il avait par son père adoptif, il entre dans la lignée de David, et de fait, l'importance de Joseph, c'est justement qu'il va donner son nom à Jésus, il va l'adopter donc comme son propre fils, et ce faisant, c'est lui, Joseph, qui fait entrer Jésus dans la lignée davidique. Et nous verrons tout à l'heure que, notamment, l'ange, quand il lui apparaît dans son songe, l'interpelle en ces termes, « Joseph, fils de David ». Et donc, c'est l'époque, on voit ça dans Luc, qui complète un petit peu ce que Matthieu nous dit ici, que dans ce temps-là, donc, avait eu lieu l'édit d'Auguste qui ordonnait le recensement de toute la terre, et chacun devait se faire inscrire, se faire recenser dans sa propre ville, et par conséquent, Joseph, qui habitait Nazareth, où il avait connu Marie vraisemblablement, est obligé de se rendre à Bethléem pour le recensement prescrit par l'empereur, parce que, nous dit l'évangéliste Luc, il appartient à la maison et à la famille de David. Et plus tard, Jésus donc sera considéré comme le fils de Joseph, et de ce fait, il entrera dans la lignée davidique, et ce faisant, ses prétentions messianiques seront parfaitement légitimées, parce que s'il n'était pas de la famille de David, évidemment, il ne pourrait pas prétendre être le Messie. Maintenant, ce qui est intéressant, on arrive à cette opposition entre les deux généalogies, celle de Matthieu et celle de Luc. Donc, nous avons vu que l'hypothèse qui avait été celle de la plupart des commentateurs jusqu'à il y a quelques dizaines d'années maintenant, à savoir qu'il y avait la généalogie de Joseph d'une part et celle de Marie d'autre part ne tient pas, pour les raisons que nous avons dites. Alors comment expliquer justement cette différence entre ces deux généalogies? En fait, c'est un père de l'Église qui s'appelle Jules l'Africain, qui vivait au IIe siècle, qui nous donne la clé de l'énigme. Jules l'Africain était un homme qui était encore proche de l'époque de la naissance de Jésus, IIe siècle, on n'est pas encore très loin, et surtout qui connaissait bien la famille de Jésus. Et l'on sait, par les sources patristiques notamment, que la famille de Jésus, la famille de Marie et de Joseph, avait continué à vivre à Nazareth au moins jusqu'à la période de l'empereur Dioclétien. Et au moment de la grande persécution contre les chrétiens, qui avait donc été déclenchée par cet empereur, une des dernières grandes persécutions qui avait précédé donc l'édit de tolérance de Constantin, Dioclétien avait fait arrêter tous les descendants de la famille de David, et notamment, il avait fait arrêter les descendants de Jésus qui se les descendants de la famille de Jésus qui se trouvaient à Nazareth. Et les sources nous disent que finalement Dioclétien a fait relâcher ces gens parce qu'il a vu que c'était des simples ouvriers qui n'avaient aucune prétention messianique, aucune intention de mener une révolte quelle qu'elle soit contre les Romains. Il avait notamment noté leurs mains calleuses, de telle sorte que finalement il les avait relâchées. Mais cela montre qu'il y avait cette famille qui d'ailleurs avait exhibé à ce moment-là, selon toujours les sources, les charrues que Jésus avait lui-même fabriquées quand il était dans l'atelier du charpentier. On pouvait encore voir ces objets, donc 3e, 4e siècle, on pouvait voir encore ces objets qui devaient avoir été conservés pieusement à Nazareth par justement la famille de Jésus. Et Jules l'Africain nous dit que le problème de ces deux généalogies, c'est que en ce qui concerne Joseph, il y avait un problème de Livira. Qu'est-ce que c'était que le Livira ? C'était une institution qui est évoquée dans la Torah, dans le Pentateuch, et qui prescrit à, disons, si un homme meurt sans enfant, eh bien, son frère doit épouser sa veuve. Et le premier enfant qui naît de cette union est considéré comme le fils du défunt et porte le nom du défunt, et par conséquent est habilité à hériter de tous les biens du défunt. Les autres enfants qui naîtront ensuite sont considérés comme les enfants du frère. Bon, vous retrouvez ça par exemple dans l'histoire de Tamar, Judas et Tamar, vous retrouvez ça dans l'histoire de Ruth, pour ne citer que les exemples les plus importants. Et donc il y aurait eu, selon Jules l'Africain, un problème de ce type-là, en ce qui concernait Joseph. Joseph, en fait, avait deux pères, nous dit Jules l'Africain. Il avait un père biologique et il avait un père adoptif. Ça veut dire que le père dont Joseph portait le nom était décédé sans enfant. Et par conséquent, le frère du défunt avait épousé celle qui devait devenir sa mère, et par conséquent, biologiquement, il était le fils de son frère, de son frère, et qui avait donc remplacé ainsi le défunt. Si bien que une des généalogies suit la lignée du père biologique, c'est-à-dire du frère cadet, et l'autre généalogie suit la généalogie du père dont il portait le nom, mais qui finalement était décédé avant la naissance de cet enfant. Si bien qu'à un certain moment, les deux généalogies divergent. Bon, je ne sais pas si vous avez compris, c'est un peu complexe. Enfin, disons, voilà, ça c'est l'explication qui nous est donnée. Et je pense que finalement, c'est celle-là qui est la plus valable. Maintenant, le terme commence par généalogie. Il y a deux manières de comprendre cette expression. D'abord, le mot « toldot » en hébreu. On le retrouve dans le livre de la Genèse en particulier. 5 fois dans le livre de la Genèse apparaît le mot « toldot ». Généalogie, descendance, postérité. Ce sont des mots par lesquels on traduit en général cette expression « toldot ». On peut aussi comprendre cette expression d'une manière un peu différente. Ça peut aussi signifier « l'histoire ». Non seulement l'origine, mais également l'histoire. Et dire « généalogie de Jésus-Christ »,« toldot Yeshua HaMashiach », c'est dire « c'est aussi l'histoire de Jésus ». C'est l'origine de Jésus, mais c'est aussi l'histoire de Jésus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de noter que cette généalogie, qui nous renvoie justement au livre de la Genèse, et qui nous renvoie par conséquent aux origines du ciel et de la terre, et aux origines de l'humanité tout entière. Mais, contrairement à Luc, Matthieu, qui est un auteur juif, et non pas, disons, universel, comme c'était le cas de Luc, qui va faire remonter la généalogie de Jésus jusqu'à Adam, mais pour Matthieu le juif, la généalogie de Jésus, elle commence avec l'histoire d'Israël, elle commence avec Abraham. Abraham, le père de la nation. Et dans cette généalogie de Jésus, c'est toute l'histoire du peuple d'Israël qui passe en revue. Et là donc, il y a une manière de résumer cette généalogie qui est assez particulière. Quand on compare cette généalogie de Matthieu avec les généalogies auxquelles il se réfère dans l'Écriture, nous constatons que Matthieu omet certains chaînons. C'est tout à fait possible aussi de trouver ça dans d'autres généalogies, parce que le mot « ben » en hébreu, que l'on traduit en général par « fils », peut aussi signifier « descendant d'eux ». Donc, pas forcément à la première génération, mais à la deuxième, voire même à la troisième, ou même la quatrième génération. Donc, ici, nous avons une recombinaison, on peut dire, des généalogies de l'Écriture. Et pourquoi Matthieu a-t-il agi de cette manière ? Pour que l'on arrive, comme il le dit ici à la fin, il y a en tout, verset 17, 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Messie. Donc, 3 séries de 14 générations. 14, c'est comme on le sait, 2 fois 7. 7 étant le chiffre sacré, le chiffre de la plénitude, le chiffre de la perfection. Et ces trois séries de 14 générations, eh bien, nous renvoient à ce qui est finalement la plénitude de l'histoire d'Israël, et aussi à la plénitude des temps. Et là, nous sommes à fond dans le procédé midrashique que nous avons évoqué tout à l'heure, à savoir que dans le midrash, on suggère autant que l'on affirme. Et il faut de la sagesse, il faut de la sagacité pour comprendre ce que l'auteur du midrash a voulu dire. Et c'est en fin de compte Paul, dans ses épîtres, qui va nous dire ceci. Quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils, né d'une femme, né sous la Torah. Et là, c'est exactement ce que Matthieu veut nous montrer. La naissance de Jésus arrive à la plénitude des temps. Donc ici, 6 fois 7, c'est la plénitude des temps. Nous sommes arrivés à la plénitude des temps avec la naissance de Jésus. Les temps sont accomplis. Et on retrouvera aussi ça dans l'Évangile lui-même. Quand Jésus commence à prêcher, il dit « Les temps sont accomplis, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Donc, quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils né d'une femme, né sous la Torah. Et le fait de commencer par Matthieu, par Abraham, je veux dire, est aussi une manière de nous dire que de fait, Jésus, le Messie, est né sous la Torah. Et il est venu, nous aurons l'occasion de le revoir quand nous parlerons du sermon sur la montagne, il est venu justement aussi, non pas pour abolir la Torah, mais pour la confirmer. Ce faisant, Matthieu situe Jésus véritablement au cœur même, au sein du peuple d'Israël. Jésus, il nous le présente comme le roi des Juifs, comme celui qui a cette relation unique avec le peuple d'Israël et avec les promesses messianiques qui avaient été faites par Dieu à différentes générations au peuple d'Israël. Jésus est l'accomplissement des promesses faites à Israël et qui sont, comme le dira plus tard l'apôtre Paul, l'objet de l'espérance des 12 tribus d'Israël qui servent Dieu nuit et jour dans l'attente justement de cette plénitude des temps, dans l'attente de cet accomplissement. Maintenant, quand nous parlons de plénitude des temps, il est intéressant de noter que c'était quelque chose que le peuple d'Israël aussi considérait comme un temps très particulier. Et dans un autre évangile, il nous a dit ceci, comme tout le peuple était dans l'attente. On était dans l'attente. Pourquoi ? Parce que on était conscient que le temps que l'on vivait était en principe le temps où le Messie devait venir. Et on en était conscient, notamment à cause des prophéties de Daniel. Et plus particulièrement du chapitre 9 du livre de Daniel, dans ce qu'on appelle la prophétie des semaines. Et dans cette prophétie, un ange révèle à Daniel qui a réalisé, qui a fait le calcul depuis le début de la déportation, et qui se rend compte que l'on arrive maintenant à 70 années après la déportation du peuple d'Israël. 70 ans, c'est le délai, la durée, qui avait été donnée par le prophète Jérémie notamment, pour l'exil à Babylone. Et Jérémie avait prophétisé que 70 ans après la déportation, le peuple d'Israël serait rassemblé dans son pays. Daniel vient de faire le calcul, il réalise que l'on arrive à la fin de cette période de 70 ans, Et par conséquent, il prie pour que le Seigneur accomplisse les promesses qu'il a faites par Jérémie et qu'il ramène le peuple. Et en même temps, évidemment, dans la vision, dans la pensée de Daniel, disons, il y a cette idée que au moment où Dieu va rassembler son peuple dans son pays à la fin de l'exil, ça va être le temps de la rédemption. Et voilà un ange qui lui apparaît et qui lui dit il va y avoir effectivement retour de l'exil, ça oui, mais le retour de l'exil ne signifie pas qu'on va avoir immédiatement la rédemption. Et il faut comprendre ce qui a été révélé à Jérémie, les 70 années, non pas comme 70 années, mais comme 70 semaines d'années, ça veut dire 490 ans. Ce n'est que donc 490 ans que finalement la rédemption messianique arrivera. Alors, cette prophétie des semaines, elle est extrêmement complexe. Et pour, l'appliquer d'une manière précise, c'est pratiquement impossible, en tout cas dans la manière dont elle est rédigée aujourd'hui. Il y a différents problèmes aussi de traduction de tout ça, bon, c'est très complexe. Mais on se rend compte que, quelles que soient les difficultés que l'on a à faire coïncider les différents détails qui nous sont donnés dans cette prophétie avec les événements historiques connus, il n'en demeure pas moins vrai que le thème de cette période, la fin de ces 70 semaines d'années, donc de ces 490 ans, aboutit grosso modo à la fin de l'époque du deuxième temple, c'est-à-dire grosso modo au moment de la venue de Jésus. Et bien entendu, cela n'avait pas échappé aux sages d'Israël à cette période. Et c'est la raison pour laquelle on pensait et on s'attendait à ce que le Messie vienne dans cette période-là. C'était finalement ce que Daniel avait annoncé, la fin de ces 490 ans, c'était la plénitude des temps. On arrivait à la plénitude des temps. Et Paul aussi reprend cette idée quand il dit ce texte que nous avons évoqué tout à l'heure, quand les temps furent accomplis. Cette attente, le peuple qui était dans l'attente, on le retrouve par exemple dans à Qumran. À Qumran aussi on était conscient qu'on était arrivé à la plénitude des temps et que le temps de la manifestation du Messie était imminent. Et dans la mesure où le peuple d'Israël n'a pas reconnu que Jésus était le Messie, dans les générations qui ont suivi, on s'est trouvé devant un problème. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé le Messie alors que les temps étaient accomplis? Alors on essaie de trouver toutes sortes d'explications. Finalement, on rejette cet échec, sur l'infidélité d'Israël. Israël n'a pas écouté la voix de Dieu. Il y a différents midrashim, différentes légendes qui sont là pour expliquer pourquoi le Messie qui aurait dû venir à cette période-là, en réalité, n'est pas venu. Mais pour nous, évidemment, nous savons qu'il est venu. Donc, quand la plénitude des temps est arrivée, le Messie est venu, donc, sous la Torah, donc, descendant d'Abraham et aussi descendant de Moïse. Donc, trois séries de 14 générations. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant aussi. C'est que 14, c'est non seulement 2 fois 7, mais c'est également la guématria du mot David. David et le mot Adam, Adam, donc le premier Adam, qui signifie donc Adam, David et Mashiach. Il y a trois lettres au mot Adam. Adam, le premier homme. David, donc le père du Messie, et puis M, Mashiach, le Messie. Donc ici, trois séries qui sont importantes et qui nous amène justement à la gematria du mot David, qui est de 14. Donc, quand on additionne les lettres du mot David, ça nous donne 14. Et ce faisant, donc, c'est dire qu'il y a 14 générations, 3 fois 14 générations, c'est dire que Jésus est bel et bien le fils de David, et par conséquent, qu'il est bel et bien le Messie. Le répéter 3 fois, c'est aussi une chose importante. Dans le livre des psaumes, un psaume dit ceci, « Dieu a parlé une fois, et 3 fois j'ai entendu. » On retrouve ça aussi dans l'histoire des songes du Pharaon. Vous savez, l'histoire des vaches maigres et des vaches grasses, l'histoire des épis maigres et des épis gras. Et Joseph, quand il explique le songe au Pharaon, déclare ceci, « Si le Seigneur a donné le même songe à deux reprises sous deux manières différentes, c'est parce que la chose est arrêtée de par l'Éternel, la chose est sûre. » Répéter, quand le Seigneur répète 2 et 3 fois les mêmes choses, ça veut dire que cette réalité est certaine. Et par conséquent, 3 séries de 14 générations, eh bien, c'est confirmer qu'on ne peut pas discuter la messianité de Jésus. Et dès le départ, donc dès le début de son évangile, Matthieu nous présente Jésus comme le Messie d'Israël, celui qui avait été promis et qui par conséquent est l'accomplissement des espérances d'Israël. Et tout le propos de son évangile va être de faire prendre conscience au peuple d'Israël que Jésus est bel et bien le Messie qu'il attendait. Donc ça, c'est en gros le propos des généalogies. Maintenant, nous passons au deuxième point, le songe de Joseph. Donc, voici comment arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Bon, ça, il faut comprendre un petit peu... aussi les tenants, les aboutissants de cette situation-là. Il faut savoir que dans la culture de la Judée de l'époque, le peuple juif, le mariage avait en quelque sorte 2 étapes. Ce qu'on appelait Irusim et ce qu'on appelait Nisuim. Irusim, ça se traduit par fiançailles, Nisuim, ça se traduit par mariage. En fait, les 2 phases de cette évolution étaient un mariage. Et ce que nous traduisons par fiançailles était déjà considéré comme un mariage. Quand un jeune homme et une jeune fille étaient officiellement fiancés, c'est comme s'ils étaient mariés. La seule différence entre Irusim et Nisuim, c'est que au moment des Irusim, il n'y avait pas de cohabitation. Après le Nisuim, il y avait évidemment cohabitation. Et si, pour une raison ou pour une autre, les Irusim, donc les fiançailles, devaient être rompues, eh bien, c'était considéré comme un véritable divorce. Et par conséquent, va se trouver cette situation où Joseph et Marie sont officiellement fiancés, donc ils sont dans cette période des Irusim, et puis Marie se trouve enceinte. Cette grossesse de Marie, évidemment, a été ensuite mal interprétée par son entourage. Et on voit dans la tradition juive ultérieure, on le voit déjà dans l'évangile, par exemple l'évangile de Jean, où à plusieurs reprises Jésus est qualifié par ses adversaires de mamzer, comme on dit en hébreu, ça veut dire de bâtard, d'un enfant qui a été conçu hors mariage. Et logiquement, dans la tradition juive et selon ce qui nous est dit dans la Torah, un mamzer est exclu de la communauté d'Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, donc, c'est le cas. Donc l'idée que Jésus est un mamzer, c'est-à-dire un enfant illégitime, eh bien, c'est quelque chose qui est déjà dans le Nouveau Testament, et notamment ces adversaires diront, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous sommes les enfants d'Abraham. Sous-entendu, le problème c'est que toi tu es un enfant illégitime. Donc cette grossesse de Marie avait fait problème. Et notamment dans la littérature polémique juive que l'on trouve ultérieurement, on retrouve cette accusation de Mamzerut, on dit en hébreu. Et il y a dans le Talmud, et surtout dans un écrit du Moyen-Âge, que l'on appelle le Toldot Yeshu, c'est-à-dire l'histoire de Jésus, qui est un écrit très anti-chrétien qui a été rédigé à la fin du Moyen-Âge, quand les Juifs ont commencé à être persécutés par les chrétiens et qu'ils étaient obligés par la force d'assister dans les églises chrétiennes à des sermons des prédicateurs qui essayaient de les convertir au christianisme. Et pour combattre en quelque sorte cette propagande pro-chrétienne qu'il y avait en milieu juif, on a rédigé ce que l'on appelait l'évangile du ghetto, ça veut dire un contre-évangile, qui essaye justement de discréditer l'évangile véritable. Et c'est ainsi que Jésus est représenté à nouveau comme un mamzer, ça veut dire comme un bâtard, comme un enfant illégitime. Et on l'appelle, donc Jésus était ensuite, selon les évangiles, né d'une vierge. Et il y a toute la question de la naissance virginale qui est absolument centrale dans la foi chrétienne. C'est quelque chose qui ne peut pas être discuté. On ne peut pas être chrétien si on ne croit pas à la naissance virginale. Intéressant de noter d'ailleurs que l'islam, qui ne croit pas en la divinité de Jésus, croit néanmoins dans la naissance virginale. Naissance virginale, une vierge, en grec ça se dit parthénos. Donc Jésus, fils de la vierge, Yesu, Yos, parthénos, en grec. Et dans le Toldot Yeshu, cet évangile du ghetto, cet évangile apocryphe, pourrait-on dire, Jésus est appelé, on a transformé un petit peu le mot parthénos, Jésus, Yeshu, on dit en hébreu, on ne dit pas Yeshua. Dans les textes polémiques, on emploie le mot Yeshu, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Yeshu ben Pandera. Pandera, parthénos. Bon. Et pourquoi ben Pandera, qui est ce Pandera? Eh bien, selon le Toldot, c'est un soldat romain qui aurait mis enceinte Marie. Donc, le but, c'est de discréditer cette doctrine de la naissance virginale. Et c'est aussi une raison pour laquelle de Yeshua on passe à Yeshu. Enfin, c'est-à-dire on supprime la dernière lettre du mot de Jésus. Et c'est un sigle d'une expression parfaitement blasphématoire. C'est la raison pour laquelle nous évitons, nous, quand nous parlons hébreu, de parler de Yeshu. On emploie toujours le mot Yeshua. Parce que c'est l'anagramme de l'expression suivante, Yimashmo Bezichro, ce qui signifie que son nom et son souvenir soient retranchés. Donc ici, on est au cœur de la polémique antichrétienne qui marquera justement la fin du Moyen-Âge et dont on trouve encore les traces aujourd'hui et qui donc part de cette idée donc, que Marie se trouve enceinte hors mariage. Et néanmoins, Joseph, lui, n'est pas dupe, il comprend. Il connaît Marie, et sait bien que c'est pas une fille de mauvaise vie du tout, et il réalise bien qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Et bien sûr, on peut penser que Marie lui a expliqué quelle était l'origine de sa grossesse, puisque, selon l'évangile de Luc, elle avait reçu la visite d'un ange au préalable qui lui avait annoncé qu'elle allait se trouver enceinte sans pour autant connaître d'homme par la vertu et la puissance du Saint-Esprit. Et Joseph, donc, se propose de rompre avec Marie, de divorcer, puisque déjà, en quelque sorte, ils sont légalement mariés, non pas parce qu'ils doutent de la fidélité de Marie, non pas parce qu'ils doutent de ce qu'elle lui a dit au sujet de l'origine de sa grossesse, mais parce qu'ils se sont indignés de recevoir, d'épouser celle qui a ainsi ce privilège extraordinaire d'être ce après quoi toutes les jeunes filles juives rêvent. Quand, encore de nos jours, une jeune fille religieuse juive se marie, elle espère qu'elle va devenir la mère du Messie. C'est son espérance secrète. Et voilà donc que Joseph réalise que sa future épouse, celle qu'il avait pensé être sa future épouse, est en fait celle qui porte le Messie dans son sein. Et ils se sont par conséquent indignes de recevoir et la mère et l'enfant sous son toit. Et la raison du songe que l'ange va lui communiquer, c'est justement de lui dire, eh bien Joseph, non, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Ne fais pas ce que tu as pensé, ne romps pas avec elle. L'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit, et l'ange le lui confirme, mais en même temps, toi, Joseph, fils de David, nous avons vu tout à l'heure cette expression, parce que tu es fils de David, tu as été choisi par lui aussi pour faire entrer cet enfant dans la communauté d'Israël d'une part, et surtout dans la lignée davidique, pour que effectivement il puisse devenir le Messie promis. Il faut savoir que dans la culture ancienne, l'adoption n'était pas quelque chose qui était simplement un acte, comment dirais-je, un acte d'état civil. Mais adopter un enfant, c'était véritablement le faire entrer dans sa descendance et dans sa lignée. Et dans les généalogies de l'écriture en particulier, il y a de très nombreux exemples d'adoption de ce type-là, qui ont fait que, en fin de compte, celui qui est adopté dans la tribu, on trouve ça encore chez les Bédouins modernes aussi, la notion d'adoption, c'est véritablement comme donner naissance à un enfant. Donc Joseph devient le père véritable de Jésus dans sa dimension humaine, dans sa lignée humaine, même si il n'en est pas le père biologique. Maintenant, il est à remarquer que dans cet évangile de l'enfance, il y a une très grande place qui est faite au songe. Ce premier songe n'est pas le seul que Joseph va recevoir. Dans la suite du récit, nous verrons qu'il y en aura d'autres, mais finalement, nous retrouvons un petit peu ce qu'a été le fait du grand patriarche qui était Jacob. Jacob, lui aussi, a eu de très nombreux songes, et en cela, justement, il a été le père du peuple d'Israël. Et donc, Joseph, qui reçoit des songes, est assimilé avec le patriarche Jacob. Et il va être aussi celui qui accueille au nom du peuple d'Israël l'enfant que Marie porte dans la communauté d'Israël. Donc Marie, en tant que ta femme, enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Yeshua, c'est un nom très commun à l'époque de Jésus. C'est l'abréviation du mot Yehoshua, que l'on traduit en général par Josué. Ça veut dire que Jésus, celui que nous appelons Jésus, qui est donc une abréviation du mot Yehoshua. Yehoshua, donc c'est comprimé en Yeshua. Et c'est, en grec, ça nous donne Yesos, d'où en français, ou en anglais, ou en espagnol, dans la plupart des langues occidentales, Jésus, Jesus, Jesus, etc., c'est directement tiré du grec. Mais son nom véritable, En italien, c'est les joues. Oui, attends, ça veut pas parler. Il n'y a pas de Dieu. D'accord. Donc, le nom de son nom, c'est Yeshua. Comme je disais tout à l'heure, c'est un nom très très répandu. Et par exemple, on le trouve dans de très très nombreux ossuaires ou dans de très très nombreuses tombes de cette époque. Il en va de même d'ailleurs du nom de Marie, Myriam ou Maria. On trouve les deux formes aussi dans des tombes, dans les vieilles tombes de cette période-là. Ce que ici veut suggérer aussi l'ange, donc Yeshua, Yehoshua, ça veut dire Dieu sauve. On sait que Josué, celui qui a été le successeur de Moïse et celui qui a été à la tête des armées d'Israël, s'appelait d'abord Oshéa, ce qui se traduit par osé, ça veut dire il sauve. Et Moïse, quand le temps est venu pour lui de prendre sa succession, l'a changé son nom en Yehoshua, ça veut dire Dieu sauve, donc ou Dieu délivre. C'est tout le résumé de ce que sera la vocation de Jésus. Donc, il sauvera son peuple de ses péchés. Son peuple, c'est essentiellement, dans un premier temps, le peuple d'Israël. Et là, nous arrivons aux pécheurs que nous avons évoqués. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, et c'est la fameuse prophétie de l'Immanuel qu'on trouve dans le chapitre 9 du livre du prophète Ésaïe. La Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit par « Dieu est avec nous ». Maintenant, c'est très intéressant de noter que l'idée de la naissance virginale, ça n'est pas une idée qui est étrangère au peuple d'Israël. On trouve aussi cette idée que certains grands personnages de l'Antiquité sont nés aussi d'une manière miraculeuse. C'est le cas notamment de Melchizedek. Melchizedek, qui est un personnage étonnant, puisque l'Épître aux Hébreux nous rappellera qu'il est un des rares personnages de la Bible dont l'origine n'est pas citée, ni le nom de son père, ni le nom de sa mère, ni le nom de sa descendance. Et ça, bien sûr, ça n'a pas échappé aux sages d'Israël de l'époque, et en particulier aux gens de Qumran, pour lesquels Melchizedek était un personnage extrêmement important. Et on conclut que puisque la Bible ne nous donne aucune généalogie de Melchizedek, que puisque la Bible ne nous donne ni le nom de son père ni le nom de sa mère, c'est qu'il n'en a pas. Et que finalement, il est né d'une manière miraculeuse, qu'il est né par un procédé de naissance virginale. D'autres midrashim attribuent aussi ce même privilège au père de Noé, Lémech, qui lui aussi serait né d'une manière miraculeuse par une intervention du Saint-Esprit, naissance virginale. Maintenant, le texte que Matthieu nous cite ici a aussi été basé, et une des bases sur lesquelles le peuple d'Israël s'est appuyé pour annoncer que, puisque des grands personnages de l'Antiquité sont nés miraculeusement, la naissance du Messie aussi serait une naissance miraculeuse et serait par conséquent une naissance virginale. Et il y a une autre preuve que l'on présente à l'appui de cette affirmation, c'est que dans la suite de ce verset, il nous est dit ceci: donnez de l'accroissement au royaume de David et une paix sans fin à son royaume. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées dès maintenant et à jamais. Donc, donner de l'accroissement, de la domination au règne de David. Il y a dans ce mot en hébreu, à la fin du mot, une lettre très spéciale qu'on appelle la lettre mem, qui correspond au M de l'alphabet latin. Et la lettre mem en hébreu, elle a deux formes, elle prend deux formes différentes, selon qu'elle est au début ou au milieu d'un mot ou à la fin d'un mot. Quand elle est au début ou à la fin d'un mot, ou au milieu d'un mot, elle s'écrit d'une manière ouverte, et à la fin d'un mot d'une manière fermée. Or, dans ce mot domination, que l'on trouve dans le chapitre 9 du livre du prophète Ésaïe, au milieu du mot, le M, le même qui devrait être un même ouvert, est un même fermé. Donc c'est une faute d'orthographe. Mais, évidemment, les rabbins considèrent que le Saint-Esprit ne peut pas faire de faute d'orthographe. Et que quand il y a l'apparence d'une faute d'orthographe dans la Bible, c'est qu'il y a un secret messianique qui est caché dans cette faute-là. Et là, quel est le secret messianique? Il est en relation avec ce qui précède, la Vierge deviendra enceinte. Qu'est-ce que c'est qu'une Vierge? C'est une femme fermée. Par conséquent, le fait qu'au centre de ce mot domination, il y ait un même fermé, indique que le Messie qui donnera cette domination au trône de David naîtra d'une femme fermée, c'est-à-dire d'une Vierge. Et ce faisant, encore une fois, même si par la suite il y a eu au sein du judaïsme cette volonté de, disons, déconsidérer la naissance virginale du Messie à cause justement du fait que les chrétiens ont souligné cette réalité-là, et qu'aujourd'hui on ne croit pas dans le judaïsme que le Messie naîtra d'une manière surnaturelle, sera un homme bassav et dame, comme on dit en hébreu, ça veut dire un simple être humain comme tous les autres, il naîtra d'une manière tout à fait naturelle et il mourra d'une manière tout à fait naturelle. Il n'en est pas, ça c'est une réaction antichrétienne qui date d'après justement l'apparition du christianisme, mais disons à l'époque de Jésus, et dans certains milieux encore aujourd'hui de judaïsme orthodoxe, on considère que le Messie naîtra d'une vierge, selon ce texte qui est ici évoqué par l'évangéliste Matthieu, et qui nous place d'emblée devant cette réalité que donc le Messie est véritablement le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il est né d'une manière surnaturelle par l'intervention du Saint-Esprit, et ça, évidemment, c'est essentiel pour la foi chrétienne. Car si Jésus n'est qu'un simple homme, il ne peut pas nous sauver, et il est donc discrédité pour être aussi le Messie. Bon, ça c'est donc le deuxième pécheur que nous avons évoqué. Donc, à son réveil, Joseph fit ce que l'ange lui avait ordonné, il prit sa femme chez lui, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'il ait enfanté un fils auquel il donna, le nom de Jésus, comme l'ange, autrement dit, le lui avait ordonné. Troisième péricope, l'adoration des mages. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, et des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Alors maintenant, il y a aussi un autre problème historique aussi qui se pose par rapport à cela. Jésus étant né à Jérusalem du temps du roi Hérode. Et ça nous pose un problème quant à la date de la naissance de Jésus. On compte, vous savez, les années de notre calendrier, à partir de ce que l'on considère comme étant la date de la naissance de Jésus, c'est-à-dire l'an zéro de notre ère. Cet an zéro a été déterminé par un moine du Moyen-Âge qui s'est basé sur le texte de l'évangile de Luc qui nous dit que Jésus avait environ 30 ans quand il commença son ministère. Et par conséquent, il a pris ce chiffre comme un chiffre absolu et il a considéré que effectivement Jésus était né 30 ans avant cette période-là. Seulement, le texte de Luc nous dit qu'il avait environ 30 ans. Donc on ne peut pas être sûr qu'il avait véritablement 30 ans. Bon. Luc nous donne une autre date pratiquement de la naissance de Jésus. Et Luc fait naître Jésus sous le règne d'Auguste. Alors, bien sûr, Hérode a régné aussi sous Auguste. Mais il est question du recensement de Quirinus. Le recensement de Quirinus a eu lieu quelques années après le début de notre ère. Maintenant, évidemment, certains ont découvert qu'en fait, il y avait eu deux recensements de Quirinus, gouverneur de Syrie à l'époque. Et d'ailleurs, c'est ce que laisse entendre l'évangile de Luc, ce recensement était le premier recensement. Donc, il ne faut pas s'arrêter sur le recensement de Quirinus, qui est le plus connu, qui est en fin de compte le deuxième, mais à un premier recensement qui ne nous est pas répertorié ailleurs que chez Luc d'ailleurs, n'est-ce pas, mais qui a eu lieu donc quelques années plus tôt. Maintenant, donc, on peut résoudre ce problème-là de cette manière. Maintenant, le problème est le suivant. On sait que Hérode le Grand, donc celui sous le règne duquel Jésus est né, est mort en réalité en moins 4 de notre ère. Donc, la date qui a été déterminée par le moine de Dis le Petit est une erreur. Jésus n'est pas né dans l'année 0 de notre ère, mais il est né au moins en moins 4. Ça veut dire qu'il est né vraisemblablement à la fin du règne d'Hérode. Alors, avant moins 4, on ne peut pas préciser davantage. Donc, Jésus est né à Bethléem du temps du roi Hérode. À Bethléem, bien que, encore une fois, ses parents aient été originaires de Bethléem, de Nazareth, pardon, et nous avons vu comment l'évangéliste Luc nous explique pourquoi Jésus est né à Bethléem et non pas à Nazareth à cause de ce fameux recensement de Quirinus ordonné par l'empereur Auguste qui donc venait en quelque sorte peu de temps avant de prendre ses fonctions. Et voilà donc arrive à Jérusalem des mages qui viennent d'Orient. Qui sont ces mages? Alors là, faisons table rase du folklore noëlesque auquel nous sommes habitués. Les trois mages qui représentent les trois races, alors le blanc, l'européen, le noir, l'africain, et puis le jaune, l'oriental, qui s'appelait Gaspard, Melchior et Balthazar, et qui, donc, pourquoi c'était-il trois? Parce qu'il y a trois présents qu'ils offrent, l'or, l'encens et la myrrhe, donc ils étaient trois, et ensuite qu'ils étaient rois. Nulle part il nous est dit qu'ils étaient rois, nulle part il nous est dit qu'ils étaient trois, et nulle part il nous est dit qu'ils avaient les noms qu'on leur attribue, même pas dans des écrits apocryphes. Donc là, nous sommes en pleine légende. Alors, qui étaient les mages? Ça, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Manifestement ici, tout le récit de l'histoire des mages est en relation avec les prophéties de Balaam, notamment l'histoire de l'étoile. Dans les prophéties de... Alors, qui était Balaam d'abord? Balaam était un des prophètes des nations. Et selon la tradition juive, il nous est dit que Balaam a été donné par Dieu aux nations parce que Dieu ne voulait pas que les nations puissent dire qu'il avait donné un grand prophète à Israël, Moïse, et qu'il avait négligé les nations. Alors, Dieu va donner un prophète aux nations qui sera Balaam, Bilam on dit en hébreu. Bon, le problème, c'est que cet homme est un homme ambigu, et s'il est un véritable prophète, au départ en tout cas, et il l'a été, et il se corrompt, par amour pour les richesses, par amour de l'argent, et donc il va devenir un devin, quelqu'un qui emploie les arts occultes, les arts magiques, et donc il va monnayer en quelque sorte ces choses-là. Et notamment, il a la possibilité de ce qu'on dirait aujourd'hui, jeter des sorts. Donc placer des gens sous la malédiction ou au contraire sous la bénédiction. Ça veut dire de pratiquer, on dirait aujourd'hui, la magie noire ou la magie blanche. Évidemment, tout ça, ça se paye. Donc Balaam est quelqu'un qui aime l'argent, qui aime les richesses, et on sait que c'est exactement ce qui va se produire quand Balak va inviter Balaam à venir maudire le peuple d'Israël en contrepartie de monnaie sonnante et trébuchante. Il est intéressant de noter qu'il y a quelques années de cela, on a retrouvé Attila el-Balar en en Transjordanie, donc de l'autre côté du Jourdain, une stèle qu'on appelle la stèle de Balaam. Parce qu'effectivement, le nom de Balaam est évoqué dans cette stèle. Elle suit une prophétie. Une prophétie que Balaam aurait donnée. Manifestement, cette prophétie ne s'est pas réalisée, ne s'est pas accomplie. Mais la découverte de cette stèle est intéressante à deux niveaux. D'abord, parce qu'elle nous confirme que Balaam est bel et bien un personnage historique. Ce que l'on avait mis en doute, ce que les adversaires de la Bible avaient nié, puisque pour les adversaires de la Bible, il suffit que la Bible dise quelque chose pour que ce soit forcément faux. Or, aujourd'hui, on sait que Balaam était bel et bien un personnage historique. Deuxièmement, qu'il était un faux prophète, puisque la prophétie qui est évoquée dans ce texte-là ne s'est pas accomplie. Le problème de Balaam est finalement celui qu'on retrouvera avec Saül ou qu'on retrouvera avec des gens de ce type-là. Ça veut dire que quand on fait des grandes expériences spirituelles avec Dieu, et que l'on est habitué au surnaturel de Dieu, si l'on ne veille pas, eh bien, la limite entre le surnaturel de Dieu et le surnaturel du diable est très ténue. Et si l'on ne marche pas avec Dieu, on passe la frontière sans même s'en rendre compte. Ce qui ne veut pas dire que de temps en temps, il ne peut pas y avoir aussi des surgissements du surnaturel de Dieu dans la vie de celui qui s'est éloigné de Dieu. Et l'on sait que ce sera aussi ce qui se passera avec Saül. Saül, qui après l'onction donc, qu'il a reçue de la part de Samuel, va être rempli de l'Esprit de Dieu. De telle sorte qu'on dit, Saül n'est-il pas lui aussi au nombre des prophètes ? Donc, il y avait une onction prophétique manifeste sur Saül. Et puis, on sait que lorsque Saül va se révolter contre Dieu, va désobéir à Dieu, l'esprit de l'Éternel va le quitter, mais un autre esprit va l'habiter, un esprit qui vient du diable. Donc c'est ce que nous disons tout à l'heure, on passe du surnaturel de Dieu au surnaturel de l'adversaire. Pourquoi ? Parce que justement, là aussi, d'une certaine manière, les dons de Dieu sont sans repentance, sans retour. Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné, même à des gens qui sont déchus. Et comme pour Balaam, on verra donc Saül aussi, à certaines occasions, prophétiser à nouveau, bien que déchu. Et il y a des surgissements donc de l'Esprit de Dieu dans la vie de ces faux prophètes déchus, qui sont à la fois des vrais prophètes et des faux prophètes. Et dans le chapitre 22 et suivant du livre des Nombres, nous retrouvons exactement ce phénomène en ce qui concerne Balaam. Balaam va être amené à d'abord essayer d'employer des pratiques occultes pour jeter le sort que Balak lui a demandé sur Israël, donc des autels avec des taureaux sacrifiés, etc. Et il est question donc de pratiques occultes qui sont en relation avec ça, vraisemblablement l'examen des entrailles des animaux qui était quelque chose de très répandu dans la magie des peuples anciens. Et Dieu a changé la malédiction en bénédiction, et il nous a dit que la dernière fois, au moment, la dernière tentative que Balaam va faire pour maudire Israël, eh bien il nous a dit, comme Balaam se rendait compte que Dieu ne voulait pas maudire Israël mais le bénir, il n'alla pas comme les autres fois au-devant des pratiques occultes, mais l'Esprit du Seigneur vint sur lui et il se mit à prophétiser. Et la prophétie qui dit ceci, je le vois, mais pas maintenant, je le contemple, mais ce n'est pas pour tout de suite, un astre sort de Jacob et perce les flancs de Moab et des Dômes. Un astre sort de Jacob. Et cette idée d'un astre, qui est en relation aussi avec les pratiques occultes, qui étaient celles de Balaam, à savoir l'astrologie. Non seulement il y avait l'examen des entrailles des animaux, mais il y avait aussi l'astrologie qui remonte à la plus haute antiquité, et notamment chez les peuples de Babylone. Les Babyloniens étaient des experts en astrologie. Donc ils observaient les astres, non pas pour des raisons scientifiques comme les astronomes modernes, mais pour des raisons occultes, pour en tirer des présages, comme nos modernes astrologues sont persuadés que la position des astres au moment de la naissance d'une personne détermine un certain nombre d'éléments de sa vie, de sa destinée. Et par conséquent, cet astre que voit Balaam, est l'astre finalement du Messie. Le Midrash nous donne un certain nombre de détails sur cette situation qui est sous-jacente à notre texte de Matthieu. Matthieu connaissait manifestement ces Midrashim. Et il nous dit notamment que Balaam était non seulement un grand prophète et un grand devin, mais qu'à la cour du Pharaon, il était le chef des magiciens dont il est question dans l'histoire de l'Exode. Et un jour, donc, il est venu vers le Pharaon. Ou plutôt, c'est le Pharaon qui constate qu'il y a au ciel une nouvelle étoile qui vient d'apparaître. Alors, il est tout intrigué et il fait venir Balaam. Et il lui dit, est-ce que tu as vu cet astre ? Et Balaam lui dit oui, et qu'est-ce que ça veut dire? Et Balaam lui dit, eh bien, c'est le signe que le libérateur d'Israël est né. Et par conséquent, le Pharaon décide de faire périr tous les enfants des Hébreux pour faire disparaître le libérateur d'Israël. Et là, bien sûr, nous retrouvons cette même idée dans l'évangile de Matthieu. Lorsque Hérode apprend que cette étoile du Messie est apparue, donc que le libérateur d'Israël est né, il va avoir exactement la même réaction que le Pharaon, il va vouloir faire périr tous les enfants qui sont nés à Bethléem pour éliminer le libérateur, en l'occurrence le Messie. Maintenant, il y a aussi un autre Midrash qui reprend un petit peu cette idée-là aussi, qui nous parle aussi d'un autre rêve, d'un autre rêve cette fois-ci de Moïse. Moïse donc a eu un rêve et il a vu une grande balance. Et dans cette balance, il y avait donc deux plateaux, comme les balances de l'époque, et dans un des plateaux, il y avait tous les trésors et toutes les richesses de l'Égypte. Et de l'autre côté du plateau, il y avait un tout petit agneau. Et chose extraordinaire, la balance penchait du côté de l'agneau. Ça veut dire que l'agneau, à lui seul, était plus lourd que tout le pays d'Égypte dans son ensemble. Et Moïse est surpris, il est étonné, il dit, mais c'est quoi, Seigneur, ce petit agneau? Et le Seigneur lui dit, c'est le peuple d'Israël. Ce peuple que tu dois faire sortir du pays d'Égypte pour l'amener dans la terre promise. Ce peuple, qui est tout petit, qui est minuscule, eh bien, il est plus important à mes yeux que toute l'Égypte. Et par conséquent, pour toi aussi, tu dois choisir l'agneau, ça veut dire que tu dois choisir de t'identifier au peuple d'Israël plutôt que de continuer à être prince d'Égypte. Et vous retrouvez ça dans la plume de Paul quand il nous dit que Moïse a considéré l'opprobre du Messie comme ayant plus de valeur que tous les trésors de l'Égypte et qu'il a choisi l'opprobre du Messie plutôt que les trésors de l'Égypte. Et Moïse est étonné, il dit, mais enfin cet agneau, il est là, c'est bien gentil, mais on voit bien que l'Égypte lui est hostile. Il est sans défense, cet agneau-là. Tu ne pourrais pas lui donner quelques moyens de défense? Et je dis, ben oui, pourquoi pas, effectivement. Est-ce que tu veux que je lui donne des griffes et des dents, comme un lion? Et non, sûrement pas. Non, un agneau avec des griffes et des dents, enfin, ça s'est jamais vu, quoi, c'est pas envisageable. Est-ce que tu veux que je lui donne du venin comme un serpent? Oh, ben alors là, sûrement pas, alors là, c'est horrible. Eh bien, Alors, je ne peux rien faire d'autre, dit Dieu. Et Moïse dit, ben non. Alors, il dit, il prend l'agneau dans ses bras et il dit, eh bien, c'est moi qui serai sa défense, qui serai le défenseur du peuple d'Israël. Et donc, Moïse va sortir avec le peuple d'Israël du pays d'Égypte de cette manière-là. Et ces deux midrashim, nous les retrouvons ici dans l'évangile de Matthieu. Donc, le premier, je l'évoquais tout à l'heure, il y a un astre nouveau qui apparaît donc au firmament et qui est vu par des mages. Qui sont les mages? Eh bien, ce sont les descendants de Balaam. Balaam est appelé aussi un mage. C'est le cas dans la stèle de Balaam que nous avons évoquée. Il est le père de tous les mages. Alors, ces mages, ils avaient recueilli la tradition qui remontait à leur ancêtre, et notamment cette fameuse prophétie qui se trouve dans le livre des Nombres, chapitre 24, « Un astre sort de Jacob et donc apparaît au firmament ». Et d'où était-il originaire? Alors, il y a deux hypothèses possibles. La première, c'est qu'il venait de Babylonie. La Babylonie étant le centre des arts magiques de l'époque, on l'a vu tout à l'heure, et notamment de l'astrologie. Donc, il est tout à fait possible et envisageable qu'il soit originaire de là. D'autant plus que, n'en déplaise au Midrash, que nous évoquions tout à l'heure, Balaam, le Balaam historique, était originaire de cette région-là, selon ce que nous dit le texte du livre des Nombres lui-même. Donc, il y a de fortes chances pour que ces gens venaient de Babylonie. Ils venaient de l'Orient. Et l'astre était apparu en Orient. C'est très intéressant aussi, l'Orient. L'Orient, c'est le pays, c'est la direction dans laquelle on se tourne toujours, dans une vision d'espérance. C'est là que se lève le soleil, c'est là que se lèvent les astres, et c'est le pays d'où on vient toujours. L'Éden, il est situé à l'Orient. Après le déluge, les rescapés du déluge se mettent en route, c'est vers l'Orient qu'ils se dirigent, et par conséquent, l'étoile de la naissance de Jésus est née en Orient. Donc, ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, il y avait aussi des arts occultes qui étaient, et des mages, des confréries de mages qui existaient dans le sud de la péninsule arabique, dans ce qui correspond aujourd'hui au Yémen. Et les trésors que les mages ont amenés à Jésus, notamment l'encens et la myrrhe, sont des productions typiques de ce que l'on appelait à cette époque-là l'Arabie heureuse. Alors, c'est une deuxième hypothèse. Les mages auraient pu éventuellement aussi venir de l'Arabie heureuse, c'est-à-dire du Yémen. Bon, il est difficile de trancher entre les deux hypothèses. Peut-être venaient-ils des deux endroits. On ne peut pas savoir exactement, puisque, évidemment, le texte biblique ne le dit pas. Maintenant, il est intéressant de noter aussi que cette idée d'une étoile qui devait annoncer la venue du Messie, nous la retrouvons dans la tradition juive aussi. À Qumran, par exemple. Qumran, où les Esséniens avaient une prétention charismatique, et ils pensaient qu'il y avait dans leur réflexion, dans leur spéculation, une dimension prophétique. Joseph Fagus nous rappelle ça, et notamment ils faisaient leur prière le matin au lever du soleil tourné vers l'est également. Et on a trouvé à Qumran l'horoscope du Messie, car les Esséniens pratiquaient aussi l'astrologie et ils étaient aussi d'une certaine manière les héritiers de tous ces gens-là qui, vraiment, le peuple juif n'avait pas toujours pris au sérieux ces avertissements du Seigneur de ne pas pratiquer l'astrologie, et il y avait certains milieux qui la pratiquaient. Et on a, à Qumran, un véritable horoscope du Messie qui nous le présente comme David l'était, ça veut dire comme un personnage qui était roux. Alors, je ne sais pas si c'était comme ça pour Jésus, peu importe. En tout cas, c'était ce qu'il croyait. Et puis, on retrouvera beaucoup plus tard, au deuxième siècle après Jésus-Christ, au milieu du deuxième siècle, au moment de la deuxième révolte juive contre les Romains, un faux messie qui va surgir et qui va se nommer, qui se nomme Bar Kouziva. Et le prophète, enfin celui qui est le prophète de ce messie, qui est Rabbi Akiva, un des plus grands rabbins de cette période-là, va changer son nom en Bar Korba, Kochav de Kochav en hébreu, c'est de l'araméen, et ça signifie le fils de l'étoile. Bar Korba a frappé des monnaies pendant le court règne qui a été le sien, 3 ans, un peu plus de 3 ans, et avec les différentes années de ce qu'il appelle la rédemption d'Israël. Alors vous savez qu'on n'a pas le droit de représenter de figures humaines dans le judaïsme, et notamment sur les monnaies. Les monnaies juives ne portaient aucune trace de figure humaine. Par contre, il y avait sur les monnaies de Bar Korba une représentation du temple, stylisée, donc les deux colonnes, en particulier Yachin et Boaz, qui se proposaient de reconstruire, et de l'autre côté, il y avait une étoile. Donc une étoile à 6 branches, l'ancêtre de notre Magen David. Pourquoi ? Parce que Bar Korba était le fils de l'étoile, ce faisant, il était le Messie. Donc l'idée que le Messie devait apparaître et être représenté par une étoile nouvelle qui devait apparaître au firmament, c'est quelque chose que nous trouvons dans toute la tradition juive. Maintenant, quelle était la nature de cette étoile ? Alors ça, on a beaucoup spéculé sur cette question. Est-ce que c'était véritablement l'apparition d'une étoile nouvelle, auquel cas il se serait agi d'une supernova, ça veut dire d'une étoile naine qui arrive en fin de sa vie et qui soudain éclate dans un dernier champ du signe, si j'ose dire, et qui par conséquent peut apparaître d'une manière tout à fait nouvelle. On peut soudain voir apparaître des étoiles qu'on ne connaissait pas, mais qui vont avoir une durée de vie extrêmement courte. Bon, cette étoile, il semblerait qu'elle se déplace, qu'elle conduise les mages jusqu'au lieu où se trouve l'enfant. Bon, c'est très mystérieux. Alors, est-ce que c'était plutôt une planète ou une étoile qui, voyageait dans les différentes constellations jusqu'au moment où elle arrive donc au-dessus de Bethléem? Bien, bref, il y a de nombreuses hypothèses. Aucune, personnellement, ne m'a convaincu jusqu'alors. Laissons le problème en suspens. En tout cas, il y a eu un phénomène astronomique particulier qui est apparu à cette période, et ce phénomène aussi nous est évoqué dans des sources, aussi bien des sources patristiques que des sources juives, sans que l'on précise exactement la nature scientifique de ce phénomène. Donc ici, ces mages qui attendaient l'accomplissement de la prophétie de Balaam et qui attendaient donc aussi, ce faisant, la rédemption d'Israël, décident de se rendre en Judée, puisque pour eux, l'apparition de cette étoile, comme ça avait été le cas pour Moïse, pour Balaam aussi en Égypte, est apparu. Donc l'apparition de l'étoile en Égypte prouvait que Moïse était né, et l'apparition de l'étoile en Babylonie ou au Yémen a été le signe que le roi des Juifs était né. Et voilà donc ces mages qui arrivent à Jérusalem, et naïvement, ils vont s'imaginer que s'il y a un roi qui est né, ça ne peut être que dans un palais royal, donc le palais d'Hérode, à Jérusalem. Et là, évidemment, ils font en toute bonne foi et en toute bonne conscience la plus grande gaffe qu'ils auraient pu faire. Ils arrivent devant celui qui, évidemment, est un véritable paranoïaque. Hérode le Grand, il faudrait retracer toute sa carrière, ça nous entraînerait trop loin, mais c'était un homme qui était un usurpateur. Et là aussi, il y a une prophétie qui était en voie d'accomplissement et qui aussi était une des raisons pour lesquelles le peuple était dans l'attente à cette période-là. C'est que depuis la révolte des Maccabées en 165 avant Jésus-Christ, il y avait eu une lignée de rois qui avaient repris le pouvoir en Judée, et qui étaient évidemment des rois juifs, qu'on appelait les Asmonéens. Et Hérode était un non-juif, un arabe, un iduméen. qui, au moment où les Romains avaient essayé de s'emparer de la Judée, avait lié son sort avec les Romains. Et c'est une époque où les Iduméens, c'est-à-dire descendants des Dômes, les Édomites, si vous voulez, avaient été contraints par un des rois asmonéens à se convertir au judaïsme, si bien qu'officiellement, Hérode était juif. Il l'était, évidemment, très très superficiellement. Il était beaucoup plus romain que juif. Et les Romains, donc, l'avaient utilisé pour établir un protectorat sur la Judée. Et c'est ainsi que Hérode avait éliminé les rois asmonéens, ainsi que leurs descendants, et il s'était fait proclamer par les Romains roi de Judée. Mais c'était un usurpateur. Et de ce fait, il n'a jamais été reconnu par les Juifs pieux comme étant le roi légitime d'Israël, mais bel et bien comme un suppôt des Romains. Et ce faisant, Hérode a été donc dans une situation toujours extrêmement précaire. Son trône était très précaire, son pouvoir était très précaire, et il ne régnait que par la terreur. Et il ne vivait que dans une terreur permanente d'un coup d'État qui le renverserait. Il a éliminé donc tous ses rivaux potentiels, les Asmonéens, on l'a vu, et jusqu'à ses propres enfants. Il a eu de très nombreux enfants, et il en a fait assassiner de très très nombreux, parce qu'il les soupçonnait à tort de comploter contre lui pour le renverser, à tel point qu'Auguste disait de lui, il vaut mieux être le cochon d'Hérode que son fils. Alors, vous comprenez bien que Hérode, qui vivait dans cette terreur permanente d'une rivalité, quand il a vu les mages débarquer chez lui en disant « Vous êtes le roi des Juifs », eh bien, il a été pris de panique, comme le dit le texte. Tout Jérusalem, Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui, ça veut dire tout tout l'establishment qui était autour d'Hérode. Maintenant, cette réalité accomplissait aussi une prophétie qu'on trouve dans le chapitre 49 du livre de la Genèse, où il nous est dit ceci, que c'est de la prophétie que Jacob mourant donne à ses 12 fils. Il prophétise sur l'avenir de ses 12 fils. Et sur Judas, il dit ceci, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton du commandement d'entre ses épaules, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Le Shiloh, c'est une expression très étrange. C'est ce qu'on appelle en exégèse un apax legomenon, c'est-à-dire une expression qui n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, et nulle part ailleurs, même pas en dehors de la Bible. Si bien que quand on trouve une expression de ce type-là, c'est très difficile de la comprendre et de la traduire. Mais disons, pour couper court, la plupart des commentateurs pensent que c'est un des noms du Messie, Shiloh. Ça peut venir de Shiloah, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Ou bien Shiloh, ça veut dire celui auquel on offre des présents. Et là, nous voyons que c'est exactement l'interprétation qu'en donne Matthieu dans ce texte. Et donc le Shiloh, le Messie ne viendra que lorsque le bâton du commandement, c'est-à-dire la royauté, échappera à la tribu de Juda. Et de fait, Hérode est le roi qui met fin à la lignée des rois de Juda. Il est le premier qui n'est pas un roi de Juda, et c'est sous son règne, comme le souligne Matthieu, que le Messie naît, le Shiloh naît. Et le Shiloh, donc, ça peut se traduire aussi par celui auquel on offre des présents. Et il y a des textes, notamment le prophète Ésaïe dans les psaumes, qui nous disent que les rois de l'Orient apporteront des présents à celui qu'il faut craindre. Et là, en quelque sorte, les mages sont ceux qui accomplissent cette prophétie. Et ils amènent des présents à celui auquel on offre des présents, Shiloh, des présents, des dons pour lui. Et ce psaume, qui est le psaume 72, si ma mémoire est bonne, qui annonce que les rois viendront en faire des présents, est la raison pour laquelle on a considéré que les mages étaient des rois, ce qui d'ailleurs n'est pas dans le texte. Bon, je vais m'arrêter là. On reviendra sur cette question la prochaine fois. Et on va avoir un petit temps de questions avant de clôturer. Je voulais vous demander sur l'aspect du Midrash de Matthieu, sur la naissance et ensuite la fuite en Égypte. Quand on compare le texte de Matthieu et le texte de Luc, il semblerait qu'il y a des grosses contradictions. Par rapport à la fuite en Égypte de Bethléem, le retour ensuite à Nazareth d'une ville qui commence à s'installer, et dans Luc il dit que c'est leur ville, et dans Luc il est dit qu'ils vont accomplir la circoncision à l'âge de 8 jours, la purification à l'âge de 40 jours. Donc, il semblerait que ça se contredit. Alors, non, pas vraiment, parce que finalement, les deux évangélistes nous parlent de choses différentes. Et notamment, ici, ce long chapitre, ces deux longs chapitres de Luc, les deux premiers chapitres de l'évangile de l'enfance chez Luc, sont résumés par Matthieu en une phrase. Jésus étant né à Bethléem du temps du roi Hérode, point. Des mages d'Orient vinrent ensuite. Or, on pense que entre la naissance de Jésus et l'adoration des mages, il y a quelques années qui se sont passées, et que la fuite en Égypte a eu lieu après. Et qu'entre temps, il nous est dit que donc Jésus est né, selon Luc, dans ce qu'on appelle une hôtellerie, mais en fait, il faut traduire par un caravansérail. C'est pas un hôtel 4 étoiles comme on l'imagine aujourd'hui. Hein. Et donc, quand les mages viennent adorer Jésus, ils le trouvent à Bethléem dans une maison. Donc, il semble que Marie et Joseph s'étaient installés à Bethléem et ils avaient l'intention de rester à Bethléem. Et donc, ils avaient trouvé une maison, soit une maison qu'ils avaient louée, soit une maison qu'ils avaient achetée. Donc, l'étoile s'arrêta sur la maison dans laquelle se trouvait l'enfant. Donc Jésus devait avoir, à ce moment-là, 3-4 ans par là, quoi. Et c'est après, donc, qu'il va descendre en Égypte pour les raisons qui nous sont évoquées par la suite. De Bethléem, il monte à Jérusalem pour circoncision. De Bethléem, il monte à Bethléem pour la circoncision. Mais ça, c'est dans les jours qui suivent la naissance, puisque la circoncision doit avoir lieu, logiquement, 8 jours après la naissance de l'enfant. Alors, Anne d'abord. Je crois qu'Anne avait d'abord levé la main. Et moi, je me posais la question par rapport à Melchisédek. Est-ce que ça n'a pas été une figure de Jésus? Oui, mais bien sûr, c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Et c'est la raison pour laquelle la Qumran aussi est considérée comme une image du Messie à venir. D'où l'idée de la naissance virginale, puisque le Messie aussi naîtra d'une vierge. Est-ce que ça ne peut pas être une apparition, comme par exemple quand Jésus, on pense que Abraham a mangé avec... Jésus. Avec l'ange de l'Alliance. Oui, l'ange de l'Éternel, oui. C'est pareil. Oui, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable. Et oui, il y a sur la personne de Melchisédek de très nombreux midrashim, parce qu'il est véritablement un personnage mystérieux. Je n'ai pas très compris comment deux frères pouvaient avoir deux généalogies différentes. Ils n'avaient pas la même mère, alors. Alors, si vous voulez, Joseph avait un père biologique qui avait épousé la veuve de son frère aîné, parce que le frère aîné était mort sans enfant. Et selon la Torah, le frère cadet doit épouser la veuve, et le premier enfant qui naît de cette union est considéré comme comme le fils du défunt. Si bien que Joseph avait un père biologique, qui était donc le deuxième époux de sa mère, et il avait un père, généalogique, qui lui était décédé, qu'il n'avait jamais connu. Mais ils n'étaient pas frères de sang. Ils étaient frères de sang, bien sûr que si. C'était la condition, justement, pour qu'il y ait cette union. Ils ont le même sang. Pardon ? Ils ont le même sang, ils ont les mêmes ancêtres. Ben oui, mais attention, non, pas du tout, justement. parce que le premier il a donc il est donc issu d'une lignée, tandis que le second il a une autre lignée. C'est des demi-frères, oui. Bon, enfin, c'est un problème complexe, c'est vrai. Sinon, sur le plan de l'étoile, oui. vers l'an moins 1, moins 2, mais on peut le voir sur un planétarium, il y a eu un phénomène assez étonnant, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement les planètes Saturne, Vénus, Jupiter, qui se sont rencontrées avec Régulus, et on peut le voir facilement sur un planétarium. Oui. Ça a duré sur plusieurs mois, oui. Et ça a donné une rencontre, on le voit très bien, et ça a donné une rencontre d'un astre qui n'existe pas, c'est ça. Et qui est le fruit de cette proximité des autres. C'est possible, c'est tout à fait possible. En tout cas, les sources de l'époque évoquent des phénomènes astronomiques qui ont été observés à cette époque-là. On voit facilement, c'est ça. Le chiasme est une structure assez répandue au sein des versets. Est-ce que ça se trouve également dans la structure d'un livre? Ce serait un moyen, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que Dieu répète deux fois, par trois fois la même chose, de réaffirmer. Puisque l'évangile de Matthieu commence sur une montagne et finit sur une montagne. Oui. Au début, donc, on parle d'Emmanuel et il finit avec... Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les Romains, bien sûr. Bien sûr. Ça pourrait être un moyen midrashique pour Matthieu. Mais tout à fait. Pourquoi la parole parle si peu de la vie de Joseph après Mais on pense... que Joseph est décédé relativement vite et que Jésus est devenu donc très rapidement soutien de famille jusqu'à l'âge de 30 ans quand il a donc quitté le foyer familial. Mais de fait, Joseph n'est évoqué, disons d'une manière assez approfondie que là. Autrement, Jésus dans les autres évangiles est parfois appelé le fils de Joseph sans qu'on sache trop qui était ce Joseph et d'où il venait, quoi. Ah, je voulais juste te demander si tu pouvais un peu expliquer la notion des deux piliers du temple, Yachim et Boaz, un truc que tu as évoqué tout à l'heure en parlant de Bar Kokhba. Oui, c'était simplement le symbole qui était sur les monnaies qu'il avait frappées. Oui, non, mais je veux dire, le temple, les deux piliers, oui. on donne un pilier Yachim et Boaz. Oui. Pourquoi c'est... Il établit et donne sur lui la force, c'est la signification de ces deux mots. C'était une indication de ce qu'était la vocation du temple. Tout à l'heure, vous avez parlé des 490 ans. Oui. Les semaines d'année. Oui. Et je vous ai écouté aussi, je crois que c'est même ici, sur les 490 jours qui séparent l'Annonciation à la naissance. Exact, ça c'est chez Luc. Voilà, est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu? C'est un midrash de Luc, ça, cette fois-ci. Qui consiste justement à nous dire aussi ce que Matthieu nous dit d'une autre manière, à savoir que quand les temps sont accomplis, donc Dieu envoie son fils né d'une femme né sous la Torah. Et donc dire qu'il y a donc depuis l'Annonciation à Zacharie jusqu'à la fin de l'Évangile, jusqu'à la circoncision, il y a 490 jours, c'est dire qu'effectivement on est aussi dans la plénitude des temps. Donc c'est une autre manière midrashique d'exprimer cette vérité qui sera ensuite reprise par Paul dans ses épîtres. Une dernière question. Ici. Quand tu parles de midrashique, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été rédigé avant Jésus ou c'est une forme de pensée que développe Luc ou Matthieu? Le midrash, c'est un procédé d'exégèse juive. Qui existait déjà bien avant Jésus, bien avant le Nouveau Testament, qui consiste donc à creuser sous le texte. Midrash, ça veut dire creuser en hébreu. Donc midrash, c'est le fait de creuser. Et donc de creuser le texte pour en faire sortir les sens cachés, quoi, ce qui n'est pas visible, disons d'une manière, à un premier regard. Donc il faut de la sagacité, il faut de la sagesse pour essayer de comprendre ce qui est dit par allusion. Le Midrash dit autant par ce qu'il suggère que par ce qu'il dit. Vous voyez ? Et c'est ça, finalement, le Midrash. Et on trouve ça, évidemment, dans le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament est un livre juif. Et automatiquement, les auteurs du Nouveau Testament employaient ce type d'exigèse. Bien, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci.